Imaginez un monde où l'information est créée pour vous faire cliquer, partager et consommer sans réfléchir. Un monde où les algorithmes décident de ce que vous devez savoir sans vous laisser le temps de réfléchir. C'est le monde que nous vivons aujourd'hui, où la consommation passive de l'information est devenue la norme. Les mesures d'audience développées par l'intelligence artificielle influencent les stratégies de production de l'information. Mais les responsables éditoriaux et producteurs expriment une insatisfaction face à l'opacité des processus d'évaluation. Les données générées par l'IA encouragent la production de contenus qui favorisent une consommation passive de l'information au détriment de dispositifs stimulant l'intelligence des publics. Cela signifie que les contenus sont souvent créés pour être consommés rapidement et sans réflexion, plutôt que pour encourager la pensée critique et la compréhension profonde. Les responsables éditoriaux et producteurs ont du mal à comprendre les publics et leurs besoins, ce qui conduit à une uniformisation de la production de contenu. Mais il est temps de changer cela. Il est temps de privilégier la qualité des contenus, de prendre en compte les limites et les biais des mesures d'audience développées par l'IA et de réfléchir aux conséquences de l'utilisation de l'IA sur la production de contenu et la démocratie. Nous devons nous assurer que l'information est créée pour nous faire réfléchir, pour nous faire grandir et pour nous permettre de prendre des décisions éclairées. Alors, la prochaine fois que vous consommez de l'information, prenez un moment pour réfléchir. Demandez-vous si ce que vous lisez, voyez ou entendez est vraiment important, ou si c'est juste destiné à vous faire cliquer et partager. Nous avons le pouvoir de changer la façon dont l'information est créée et consommée. Nous devons l'utiliser pour créer un monde où l'information est une source de connaissances, de compréhension et de progrès.